Bonjour Tiphaine, aujourd'hui dans la compagnie, dernier épisode de notre série Amos Oz, le grand écrivain israélien disparu en décembre dernier. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vie d'Amos Klossner, devenu Amos Oz à son entrée au kibbutz à l'âge de 15 ans, suite à un mouvement de balancier qui va du rejet de l'intellectualisme incarné par son père, cet écrivain sans succès, ce bibliothécaire obscur, à un retour vers les livres et l'écriture, après avoir tant voulu devenir un manuel, un travailleur des champs, un conducteur de camion, un homme fort au service de l'État d'Israël en train de se construire. Tout cela, nous l'avons vu lundi, c'était avec Marc Laurent au cours d'une émission à écouter en podcast. L'œuvre d'Amos Oz se situe entre la confession personnelle et la question de l'engagement, mais c'est l'écrivain qui a toujours été premier chez lui, même s'il existe bien sûr un arrière-fond politique à ses récits, car en Israël, disait-il, la politique a toujours été une question de vie ou de mort. Nous en avons dit un mot mardi au cours de l'exploration des grands thèmes de son œuvre que nous avons faite avec l'universitaire Michel Tauber et l'éditeur Jean Materne. Enfin, hier, nous avons parlé d'Israël et d'Amos Oz, d'abord avec celui qui fut son ami, l'écrivain Abraham Yehoshua, et puis avec Gilles Rosier, écrivain lui aussi et ancien directeur de la Maison de la Culture Yiddish. Il a notamment évoqué le rapport d'Amos Oz avec sa langue maternelle. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du roman Seule la mer d'Amos Oz, dont la forme combine narration et poésie, nous serons en seconde partie de cette émission avec le poète Olivier Barbaran, qui place très haut cet ouvrage. Il nous dira pourquoi. En première partie, nous sommes en compagnie de Sylvie Cohen, traductrice de la plupart des romans d'Amos Oz en français, parmi lesquels Seule la mer justement, ou encore Une histoire d'amour et de ténèbres. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Quand j'étais enfant, je voulais grandir et devenir livre. Pas devenir écrivain, mais devenir livre, parce que j'avais peur. Vous savez, l'atmosphère à Jérusalem quand j'étais enfant était une atmosphère effrayante. Les nazis se rapprochaient beaucoup du Moyen-Orient. Nous savions qu'ils tueraient peut-être tout le monde. Et je pensais qu'il était plus sûr de grandir et devenir livre plutôt que de grandir et devenir homme. Il est facile de tuer les hommes. Il est facile de brûler les livres, mais si j'étais livre, peut-être qu'un exemplaire de moi-même resterait encore dans une bibliothèque distante. Amos Oz, en 2008, au micro de Clémence Boulouk. Bonjour Sylvie Cohen. Bonjour. Alors vous connaissez évidemment cette expression qu'il reprenait souvent, cette idée qu'il voulait devenir livre quand il était enfant. Bien sûr. J'ai d'ailleurs beaucoup eu de mal à le traduire parce que j'arrivais pas à comprendre au départ, mais c'est aussi une posture, je pense. Mais oui et non. Et c'est très émouvant pour moi d'entendre sa voix parce que, comme vous savez, décembre, c'est encore récent. Mmh. Et moi, je savais qu'il était bien sûr malade, mais je savais pas que c'était si près de la fin. Et je suis pas sûre de m'en être remise puisque je l'ai traduit pendant plus de 30 ans, en fait. On peut dire que vous êtes presque devenu justement un livre d'Amos Oz à force de le traduire. Bien sûr, sauf qu'il écrivait quand même pas chaque année, donc j'avais le temps de faire autre chose. Mais oui, d'une certaine façon, je suis rentrée dans l'intimité de son écriture, absolument, oui. En tout cas, vous êtes la grande traductrice de son œuvre, la traductrice même attitrée, pourrait-on dire, pour le français. En fait, c'est pas comme ça. J'étais professeure. Au lycée public, hein, d'hébreu, c'était ma profession. Et puis, enfin, vous me posez pas la question, mais je vous réponds quand même. Allez-y, de cette façon. Bien sûr. Donc, c'était en 87, ouais, c'est ça, 1987. Et un jour, quelqu'un est venu me chercher, peu importe, c'est trop long à expliquer, mais en gros, c'est ça, pour m'expliquer que le traducteur, à ce moment-là, d'Amos Oz était indisponible parce qu'il était chez Kalman et il travaillait sur un autre texte, un autre auteur. Peut-être Yehoshua, je ne sais plus, et qu'ils avaient besoin d'un traducteur, mais moi j'avais jamais traduit de ma vie. Donc je suis tombée un peu comme, vous savez, dans la marmite, oui. Avec précisément La boîte noire. Voilà. Donc, qui est sorti, qui a été publié en 88 et qui a eu le prix Femina, vous vous souvenez. Donc, ça veut dire que toute l'œuvre d'avant, c'est pas moi. Et il y a eu effectivement différentes voix. On peut citer Guy Seignac. C'est lui. Hein, qui a traduit c'est Un juste exact, repos. C'était lui, justement. Flore Abergel, Anne Rabinovitch, pour les essais du volume Les deux morts de ma grand-mère. Oui, mais alors là, Les deux morts de ma grand-mère, ce n'est pas un livre, c'était un montage fait par l'éditeur à partir de différents articles, mais c'est juste un détail. Et il y avait aussi Rina Viers, qui a traduit entre autres Mon Michael et... En tous les cas, vous êtes pris au jeu de la traduction, puisque vous avez traduit aussi, après, des romans, par exemple, de David Grossman, L'enfant zigzag. Je les ai tous traduits après. Oui, à l'époque, donc ça remonte à un temps certain. Disons les grands auteurs, entre guillemets, hein, bien sûr, ceux qu'on connaissait ici, ceux qui étaient déjà publiés ici, donc Grossman, Yoshua, Meir Shalev... Un que vous connaissez peut-être pas, mais que, je cite Oz, était un des plus grands, Yoel Hoffman, traduit chez, publié chez Galad. Qui d'autre encore? Sami Michel, oh j'en ai traduit beaucoup. Et puis finalement, après, avec le temps, et d'ailleurs ça répond aussi à votre question d'une autre façon, ça s'est restreint, d'autres traducteurs sont venus, on ne pouvait pas tout faire, et j'ai gardé, entre guillemets bien sûr, Oz. Parce qu'il y a quelque chose de particulier, finalement, entre vous et ces textes à lui? C'est ma voix, en fait. Et quelqu'un me l'a reproché, je ne vais pas dire qui, en disant, peu importe, c'est pas grave, j'ai pas, sur le moment, j'ai pas compris, mais après j'ai compris, c'était un article, peu importe. Disant que... Vous savez, les journalistes disent beaucoup de bêtises. Non, c'est pas un journaliste, c'est un traducteur. Ah, on s'approche. Qui est très connu en plus, donc c'est pas la peine. Mais qui... très connu alors. Oui, laissez tomber, c'est pas grave, qui disait, Sylvie Cohen fait du Sylvie Cohen. Mais je sais c'est pas ça faire de la traduction, c'est pas réécrire aussi un petit peu. Mais justement, je vois pas comment je peux faire autre. J'ai pas compris sur le moment pourquoi ça veut dire en d'autres termes, je suppose, que j'ai certains tics. Mais oui. Évidemment. Mais ça veut dire quoi faire du Sylvie Cohen quand on traduit Amos Oz? Ah oui, alors ce qu'il lui a voulu dire, je ne sais pas. Ça, il faudrait lui demander ce que je ferais. Ah, ce que je ne ferais pas parce que. Renverser votre bouteille, mais c'est pas grave. Ce que je ne ferais pas parce que je le connais pas en fait. Mais donc, quand j'ai commencé avec ce texte. Pour moi, ça a été un monde, je veux dire, Amos Oz, pour nous. Moi, j'ai fait mes études aux langues orientales. Et le livre qu'on a travaillé le plus à l'époque, c'était Mon Michael, qui est encore aujourd'hui considéré comme un, n'est-ce pas, comme un de ses plus grands, ses œuvres les plus riches. Et moi, j'avais fait ma licence, mon mémoire de, à l'époque, sur, dessus. Et le professeur, je me rappelle toujours, m'a dit, mais quelqu'un t'a aidé parce que c'est trop bien. Et j'ai, déjà, sans le savoir, j'étais entrée dans ce texte, vous voyez. Mais quand on a fait des études comme moi, très longues, pour passer tous les concours d'enseignement, etc., et qu'on entre dans un texte, c'est un autre monde. Mais ce qu'on aimerait comprendre, et c'est un peu votre secret, mais si vous pouviez nous le révéler aujourd'hui, ce serait bien, c'est comment finalement vous travaillez. Parce que vos traductions, elles sont considérées comme étant excellentes, et beaucoup louent la subtilité du texte que vous produisez à partir de celui d'Amos Oz. Comment est-ce que vous travaillez? Alors bon, pour Amos Oz, c'est différent, parce qu'Amos Oz, quand il est... quand le contrat est signé, c'est qu'il a déjà été lu et approuvé, donc j'ai pas besoin, c'est pas moi qui vais faire une fiche de lecture pour dire que le texte va être pris ou pas, que l'éditeur, bon, donc c'est déjà fait, bien sûr, ils suivent toute son œuvre, livre après livre. Donc généralement, sauf exception, je parle d'Amos Oz, lui, parce que je le connais, je le lis pas. C'est-à-dire, je le découvre page après page. Donc, vous le traduisez en même temps que vous le découvrez. C'est ça. Et ça, c'est important parce que, du coup, il y a une espèce de sensibilité directe à chacune des phrases. Vous n'êtes pas dans la restitution de quelque chose qui aurait été déjà analysé. Il y a quelque chose de très direct comme ça dans la manière dont vous travaillez. C'est même plus simple que ça. Quand c'est, par exemple, celui qui m'a posé le plus de problèmes, c'est évidemment Une histoire d'amour de ténèbres, non pas à cause de la difficulté du texte, mais de la longueur. Seule la même, on y reviendra après. Les autres, c'était... Et le tout premier, donc, La boîte noire, qui déjà était épistolaire. Moi, je ne connaissais pas cette forme stylistique. Et puis, je n'avais jamais traduit de ma vie. Donc, sauf quand on est à la fac et qu'on fait des versions, vous voyez ce que je veux dire, ou des versions latines, parce que j'étais helléniste à la base. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que pour Oz, donc lui spécifiquement, puisque j'en ai traduit à beaucoup d'autres, à force, au fur et à mesure, je suis devenue intime avec sa langue. C'est-à-dire, je l'entends dans ma tête. C'est-à-dire, j'entends une musique. Alors, une musique, justement, je vous propose d'écouter à ce sujet Amos Oz lui-même en archive. Well, the Hebrew language is the love of my life. L'hébreu est l'amour de ma vie. J'explore cette langue depuis 60 ans maintenant. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé tout ce qu'elle contient. Mais je crois que je m'approche au plus près de l'ancienne et archaïque combinaison de prose et de poésie dont elle était faite. Et dans ce roman, tout particulièrement, j'ai délibérément travaillé à annuler la frontière entre prose et poésie. Je ne cherche pas à la franchir, mais vraiment à la gommer, de la même façon que je cherche à annuler ce qui sépare la littérature de la musique. D'ailleurs, c'est un travail de compositeur frustré. J'aurais vraiment aimé composer de la musique, mais je ne sais même pas jouer d'un instrument. J'ai adoré la musique toute ma vie, mais la musique ne m'aime pas. Quand je chante, même une chanson toute bête, tout le monde me demande de me taire parce que je chante faux. Seule la mer est une tentative de composition musicale au vrai sens du terme, et l'hébreu m'y a beaucoup aidé parce que cette langue est un véritable instrument de musique. À l'occasion de l'apparition de son livre « Seule la mer » en 2002. Au micro de Paula Jacques, que vous inspire ce que disait justement Amos Oz dans cette archive, Sylvie Cohen? Alors « Seule la mer » dont on va, je suppose, reparler, lui, il le disait, bien sûr, je connaissais son... Je sais ce qu'il disait à ce propos, c'est comme une symphonie. Mais parfois, il le disait lui-même, c'est pas moi, je cite, comme une musique de chambre. Et c'est très étrange parce qu'en écoutant cette archive et en repensant à ma vie, à moi... Mes deux fils, enfin ma fille aînée surtout est musicienne, lyrique, et elles ont fait le conservatoire de Paris, musique et études, et moi, je suis nulle en musique. C'est un peu le... Vous savez pas chanter, mais c'est comme Amos Oz. Voilà, ça, j'ai fait un transfert, fait exactement. Que vous le comprenez bien. J'ai traduit une histoire d'amour et de ténèbres avec... Ah, le nom m'échappe, mais ça me reviendra. Enfin, ça veut dire que je travaille en musique. En écoutant la musique. Oui, oui, je ne peux pas travailler sans musique. Alors je l'ai choisi en fonction du Handel, voilà, ça me revient. J'ai traduit toute la... Tous les livres de Amos Oz, vous les avez traduits avec du Handel? Non. Parfois d'autres compositeurs? Oui, absolument, ça dépend, ça vient comme ça. Mais une histoire d'amour, oui, c'est avec Handel, donc non, je connais Handel par cœur. Et non, bien sûr. Mais je veux dire, c'est drôle parce qu'en l'écoutant, j'ai transféré sur ma fille ce que j'aurais aimé faire et que j'ai jamais pu faire, pour les mêmes raisons que lui, la musique ne m'aime pas. Mais j'adore ça et je ne peux pas travailler sans. Alors que quand vous écoutez, vous en particulier, qui avez tellement interviewé d'auteurs, je suppose, beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas travailler autrement que dans le silence, n'est-ce pas ? Moi, c'est l'inverse. Quand je suis dans le silence, je peux pas mon cerveau ne travaille plus. Mais comment vous faites pour trouver la bonne musique, la musique adéquate ? Alors, parce que Handel est une histoire d'amour et de ténèbres, on ne voit pas immédiatement le lien. Non, il n'y en a pas. C'est juste parce que c'est... En fait, je réponds maintenant à la question d'avant. C'est quand vous me demandiez comment je traduis, j'écoute dans ma tête. Bon, ça vient ou ça ne vient pas, évidemment. Et la musique, c'est pareil. J'écoute plein de musique, surtout maintenant avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Avant, j'achetais plein de trucs. Bon, bref, je mets une musique, je vois que ça ne va pas, j'en mets une autre, je vois que ça ne va pas. Et puis, je tâtonne et je trouve la bonne. Vous êtes émue quand vous traduisez du Amos Oz? Non, je souffre. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avant l'émission. C'est un peu la métaphore que cite Murakami dans l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Moi, je peux dire l'autoportrait du traducteur en coureur de fond. D'ailleurs, je suis une ancienne marathonienne. C'est ça. C'est vraiment traduire au kilomètre. Et vous voyez chaque page, encore une autre. Et une autre. Et vous voyez la nuit qui avance. Et on sort pas. Et sur, c'est pas ça. Heureusement qu'il y a la musique, alors. Absolument. Sans ça, je pourrais pas. Et le problème que nous avons, non pas en tant qu'auteur, puisqu'on n'est pas vraiment, enfin, on est auteur, c'est vrai. Mais en tant que traducteur, puisque c'est notre, ce sont les délais. Les délais sont toujours trop courts. Mais quelle est, par exemple, dans Une histoire d'amour et de ténèbres, la scène qui vous a tout de même touché malgré tout, malgré la difficulté du travail de la traduction, et que vous gardez comme ça le plus en mémoire? Oh, vous savez, ça fait longtemps que j'ai traduit. Entre-temps, chaque livre chasse l'autre. Ou dans un autre livre, alors? Ah, alors, dans Une histoire d'amour... D'après mes souvenirs, parce que, après, une fois que c'est fini, je ne le relis pas. c'est les, je pense, j'en suis sûre même, c'est tout ce qui tournait autour de sa mère. Parce que bien sûr, je me suis identifiée de par l'âge et je suis plutôt jeune et je pense que je devais avoir son proche de son âge, enfin plus ou moins. Donc oui, je me suis beaucoup identifiée à ces états d'âme qui étaient nombreux, que je pouvais comprendre aussi parce que c'est un des rares personnages dans ce livre qui est une femme et qui l'approfondit. Sinon les autres non. Il y en a un autre. Ah, mes souvenirs sont confus, mais je pense que c'était d'en connaître une femme. Oui, et il y avait une scène... Ah oui, c'est ça. Bon, alors là, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Parce que Oz n'était pas très doué pour les scènes érotiques, entre guillemets. Mmh. Et celle-là, je l'ai revue parce que je traduis de l'anglais. Je travaille beaucoup de livres un peu érotiques sur les bords. C'est comme ça que je vis. Et je sais faire. Et donc, je l'avais réécrit. Ça et vous est utile après pour traduire Amos Oz? Non, parce qu'il n'est pas si érotique que ça. Mais justement, vous l'érotisez un petit peu. Alors, non, les lecteurs français le découvrent avec un peu plus cette scène en particulier... de sensualité, peut-être que les personnes qui le lisent dans la langue originale. Oui, dans la scène en question, absolument. Et je sais qu'à l'époque, mais je ne me souviens plus, mais je sais que c'est vrai ce que je vous dis, il avait eu le prix de la pire scène érotique qui existe. C'est un prix qui existe comme ça pour ce livre-là. Et vous en avez fait la meilleure scène érotique. Je l'ai réécrite, oui. Parce que c'était pas possible, ça sonnait pas, quoi, en français. Ça sonnait pas du tout, donc il fallait un peu remanier. Donc vous traduisez bon de l'hébreu évidemment, un petit peu de l'anglais aussi, mais surtout quand même de l'hébreu non, en ce qui concerne Amos Oz. Non, je traduis plus de l'anglais aujourd'hui. Oui, enfin je veux dire en ce qui concerne Amos Oz, hein, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rapport qu'il disait, je crois, assez amoureux avec sa langue maternelle? Alors, je vais empiéter sur ce que nous allons, enfin ce que vous allez dire tout à l'heure pour dans Seule la mer. Et là, j'ai eu une révélation. Jusqu'à présent, je traduisais, comme je vous dis, au fil des pages, comme tout le monde, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de souffrance et de sueur et tout ce qu'on veut, et pas tellement de plaisir, parce que c'est très difficile. L'hébreu est une langue vraiment difficile pour nous, en tant que Français. Je suppose que le japonais, puisqu'on parle de Murakami, ou le chinois, ou ce que vous voulez, des langues tellement lointaines, puisqu'une langue, c'est pas la langue, c'est tout le contexte. Oz était très, très connaisseur, non seulement de la Bible, mais de toute la tradition, la Mishnah, le Talmud, vous savez, dans Judas, c'est rempli de ça, il n'y a que ça. Et pour, donc bon, Judas, c'est l'un de ses... l'un de ces livres, que d'ailleurs vous avez traduit, alors je ne sais pas si on peut le dire, oui, bien sûr. À trois en réalité. Absolument, ça s'est passé comme ça, je réponds en même temps à la question. Judas est bourré de réminiscences et d'allusions, de toutes sortes, à la fois scripturaires, de langue elle-même, et, puisque ça joue sur plusieurs contextes temporels en fait, hein, puisqu'on a l'histoire d'aujourd'hui et puis Judas, il y a plusieurs trames qui se recoupent. Et en fait, Amos Oz avait comme traducteur à partir de l'anglais, enfin vers l'anglais, son ami. C'était un ami très proche qui s'appelle Nicolas Delange, qui est professeur à Cambridge et qui est spécialiste de toute cette époque hellénistique, si vous préférez, début du christianisme, etc. Et Oz et lui traduisaient en binôme, c'est-à-dire qu'il lui envoyait chaque chapitre, qu'il revenait vers lui. À tel point que la traduction en anglais fait figure, oui, de traduction officielle. C'est ça. Exact, de référence en quelque sorte. Alors maintenant ça a un peu changé parce que maintenant je sais qu'il y a des traducteurs en chinois ou en coréen qui connaissent l'hébreu, mais à l'époque je pense qu'ils s'en servaient, et certainement aussi du français je crois, mais peut-être plus maintenant. Et donc vous avez traduit à plusieurs alors? Oui, alors mais pourquoi ce livre-là plutôt que les autres? Pour ça, parce que les références historiques étaient telles que Nicolas Delange a repéré quelques erreurs, donc il a envoyé. Quand c'est revenu vers lui, il les a corrigées, c'est revenu vers moi parce que je le connais bien, et donc. Et Oz a remanié, c'est-à-dire qu'en fait, le texte de Judas en français et en anglais n'est pas le même que la version originale, puisque Oz a corrigé au fur et à mesure. Est-ce que vous sentez dans la langue hébraïque la durée, finalement, de cette langue qui a été une langue morte, qui est ressuscitée au XIXe siècle? Est-ce qu'on ressent, quand on en est si proche, comme vous l'êtes, justement, toute l'histoire de cette langue? Alors, oui et non. Il y a certains auteurs. Maintenant, les auteurs d'aujourd'hui, les jeunes, que je ne traduis pas, pour des raisons, c'est comme ça, utilisent quoi que ça a un peu quoi changer. Ce qu'ils appellent la langue riche et la langue maigre, ou la langue grasse et la langue maigre. Alors, la langue grasse, ou Bon, c'est celle qui est remplie de toutes ces réminiscences, dont Oz est le, était l'un des meilleurs, je trouve, des symboles, en quelque sorte, puisqu'il l'utilise, mais il l'utilise de façon presque naturelle. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, vous ou moi, on écrivait avec toutes sortes de réminiscences de toute la littérature, je ne sais pas moi, Racine, Corneille, qui vous voulez, tout ce que vous voulez, mais sans mettre de guillemets. C'est-à-dire que quand vous, moi, en l'occurrence, je traduis, il ne va pas me prendre par la main en me disant « attention, citation ». C'est-à-dire que dès que je ne comprends pas, je sais qu'il faut que je cherche. Il a dit que la défense de la langue, la défense de l'hébreu, c'était pour lui sa manière de promouvoir la paix. Il a voulu se battre contre la dégradation, contre la perpétuation des stéréotypes, du racisme, de l'intolérance, contre la célébration de la violence. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il disait être consterné par la manière dont les journalistes parlaient de ses romans avec des mots comme un roman puissant, un roman irrésistible, explosif, formidable. Et c'était des mots qui le blessaient un petit peu, parce que c'était des mots de la violence. Quelle réaction vous pourriez avoir, si vous voulez avoir une réaction, parce que ce n'est pas obligatoire? J'essaie de comprendre. Moi, à mon avis, ils ne l'ont pas lu. Je pense que c'est un peu ce que vous disiez, Michel Tauber, avant-hier, que n'importe qui en Israël sait qui c'est, mais très peu l'ont lu. Parce que c'est difficile d'entrer, parce qu'on ne lit pas ce genre de littérature. Donc moi, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'au fond, les qualificatifs pour parler de lui, était creux et vide et ne représentait pas grand-chose. Each time I agree with myself 100% on anything at all, I don't write a story. I write an article telling the government to go to hell. À chaque fois que je suis 100% d'accord avec moi-même, ce que je suis tenté d'écrire, c'est un article. Ouais. When I have a little disagreement with myself, ouais. When I can hear two or three voices in me about anything at all, I know that I am pregnant with a story. Et au contraire, quand un sujet fait naître en moi deux ou trois voix discordantes, alors je sais que je suis porteur d'une œuvre de fiction. I have on my desk two pens, very simple pens, cheap pens like this, but always two, one for essays and one for stories. I don't mix. J'ai toujours d'ailleurs deux stylos différents sur mon bureau, très simple, l'un et l'autre, l'un pour la fiction et l'autre pour mes activités militantes. Et l'encre est la même ? Un entretien avec Roger Vrigny du 10 janvier 1996. Et vous, Sylvie Cohen, vous utilisez la même encre pour traduire les essais et les romans, parce que vous faites les deux. J'ai traduit très peu d'essais. D'abord, très peu ont été traduits, sauf les derniers sur le fanatisme. Oui, alors comment guérir un fanatique, tout de voilà. Même, que vous avez traduit pour les éditions Gallimard en 2006. Il est disponible dans la collection Arcade. Et puis plus récemment, Cher fanatique, trois réflexions, toujours aux éditions Gallimard. C'est le même texte qui a été repris, approfondi. Il y a un article qui a été rajouté, mais à la base, c'est à peu près... Les mots sont différents, mais c'est la même... De toute façon, il y a toujours les mêmes idées. Hein. Ouais. C'est pas très quoi, différent. C'est quoi ces idées, alors? Oh, aidez-nous à divorcer, deux états, etc. Enfin, c'est toujours la même pour lequel aujourd'hui, effectivement, on ne voit pas très bien. Mais bon, on ne va pas entrer... Moi, je refuse d'entrer dans des questions politiques parce que ce n'est pas mon créneau. Mais ce que je veux dire, c'est que... oui, c'est vrai, je crois qu'on l'avait dit au téléphone quand on s'était parlé, c'est vrai que l'œuvre d'Oz, on peut tout à fait la considérer comme une allégorie. Et puis voilà, chaque personnage, on peut lui attribuer un rôle. Ah, mais lui, il n'aimait pas ça. Ah non, justement. Son œuvre comme une allégorie. Non, mais je veux dire par là que moi, quand j'assistais aux conférences qu'il donnait ici pour la promotion de chacun de ses livres, il venait, sauf la dernière, souvent, au début, pas après, il disait qu'il ne voulait pas de questions politiques. Oui. Parce qu'il ne voulait pas qu'on réduise son œuvre à ça. Oui. Je voudrais quand même, je sais que vous ne voulez pas tellement parler de politique, mais qu'on entende de nouveau Amos Oz sur ce sujet. C'était dans un avoué nu de 2008. Il parlait à Clémence Boulouk. Etzel Marcel Proust. Hayeled mefateach megil tsa'ir merod regishut chevratit. Sociologit. הוא מבדיל בין מעמדות, הוא מבדיל בין גוונים של היררכיה חברתית, מפני שזה מה שהוא רואה, בזה הוא מוקף כילד. Chez Marcel Proust, l'enfant développe une sensibilité sociale très très tôt. Il fait la différence entre les statuts sociaux, entre les nuances de hiérarchie sociale, parce que c'est ce qu'il voit, c'est ce qui l'entoure quand il est enfant. Les enfants de ma génération, ici en Israël, ont développé une sensibilité politique parce que tout était politique. Les aînés ne parlaient de rien d'autre que de politique, parce que la politique, c'était leur biographie. La politique, c'était pas quelque chose dont on parlait une fois tous les quatre ans quand on allait voter. Non, c'était pas une question de parti politique. C'était une question de vie ou de mort. On allait vivre ou on allait mourir. On allait nous tuer ou on n'allait pas nous tuer ici. Il y aurait un pays pour les Juifs ou il n'y aurait pas de pays pour les Juifs. Ces choses-là nous remplissaient. Nous avions, nous les enfants, pas simplement moi, nous avions, si vous voulez, un empoisonnement, une overdose de politique, si vous voulez. Nous avons reçu l'histoire dans nos veines comme un poison. Ça, c'était ma génération. Je crois que les enfants qui grandissent aujourd'hui en Israël ont d'autres expériences. Et ils écriront certainement des choses différentes, mais celui qui a grandi dans ma génération en Israël, ou proche de ma génération, plus ou moins a évidemment les mêmes expériences. Et il a cette expérience d'intensivité politique historique. La compagnie des auteurs. Donc il ne s'agit en aucun cas d'asséner évidemment un discours politique. Amos Oz n'est pas un romancier à thèse, mais l'arrière-fond politique, il y a toujours Israël évidemment qui est présent. Et s'il y a dans ces romans un message métapolitique, on peut se poser la question, c'est toujours sur l'idée du compromis. Il se place toujours du côté du compromis, y compris dans ses essais. D'ailleurs, je pense que c'est dans l'un de ces essais que vous avez traduit, cette idée qu'il n'y a pas les bons et les méchants, en parlant évidemment du conflit israélo-palestinien. Il y a une tragédie et il y a un affrontement entre le bien et le bien. Chacun cherche à avoir un espace vital, et c'est ça qu'il a voulu dire, et c'est ça qui lui a valu beaucoup d'inimitié, et c'est pour ça qu'on a considéré qu'il était, d'un côté comme de l'autre, un traître. Amos Oz, je pense que ça doit être un des derniers représentants avec Yoshua, Grossman, non? C'est ce qu'on appelait, vous savez, un auteur de la génération de l'État. Voilà. Exactement, tout ce qu'il vient de dire, là. Et au fond, lui, entre tous, c'est pas moi qui le dis, c'est très connu, représenté dans sa propre personne, dans sa propre histoire, tous les thèmes d'Israël mélangés. Aujourd'hui, par exemple, puisqu'il le dit, les écrivains d'aujourd'hui, après, il y a eu les femmes. Il y a eu beaucoup de femmes, vous savez, comme Tsruya Shalev, qui est une des plus connues. Elles ont rejeté cette génération de l'État en question, et elles ont dit, nous, on est femmes, on va parler de notre corps. De façon assez crue, d'ailleurs. Puis après, il y a eu encore d'autres. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne traduis pas la littérature la plus contemporaine, la plus d'aujourd'hui, si vous voulez, mais j'ai des amis qui ont des enfants qui ont fait l'armée, qui ont maintenant l'âge de mes filles, et qui me racontent un peu, c'est, vous savez, pour les garçons qui ont fait par exemple les 3 ans d'armée, tout ce à quoi ils pensent après, c'est partir, voyager, revenir. Ils n'ont plus tellement les mêmes idées un peu existentielles, vous voyez. C'est marrant, vous revenez toujours à vos enfants et à la famille. Et Amos Oz disait qu'il n'écrivait que sur la famille. Et quand il parle des Israéliens et des Palestiniens, il parle de divorce. Bien sûr. Parce que c'est aussi une famille qui se déchire, mais c'est aussi un peu malheureuse, une famille. C'est exactement ça. Mais vous savez ce qu'ils ont ? Ils ont développé en Israël une application qu'on peut-être on va avoir ici. Tous les enfants ont ça sur leur les enfants, j'ai compris, dans leur téléphone. Les parents savent toujours où ils sont. Oui. Vous saviez ça peut-être ? Oui, enfin je sais que c'est des applications en effet qui existent. Je ne sais pas si c'est tout à fait souhaitable de savoir exactement où sont tous les membres de sa famille. Non. Là-bas, c'est quelque chose, ils sont nés avec ça. C'est-à-dire ne jamais, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi quand mes filles étaient ados, parfois à 1h du matin, je ne savais pas où elles étaient. Là, on sait. Parce que c'est vraiment, quand ils disaient, on tête ça avec le biberon, vous voyez, c'est évident que les parents ne doivent pas rester dans l'incertitude parce qu'on vit en fait dans un pays en guerre. constamment. Merci Sylvie Cohen. Je rappelle que vous avez traduit la très grande majorité des livres d'Amos Oz, l'écrivain dont nous continuons de parler avec à présent la chronique d'Aliette Armel. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonjour Aliette. Bonjour Mathieu. Vous êtes critique littéraire, mais également romancière et essayiste. Et vous faites partie de nos chroniqueurs réguliers du jeudi, à qui nous laissons carte blanche pour livrer leur regard sur le sujet de la semaine. Vous nous parlez aujourd'hui du recueil de nouvelles d'Amos Oz, Scène de la vie villageoise. Alors, dès l'émission de mardi, Michel Tauber et Jean Materne ont évoqué le processus de création revendiqué par Amos Oz. Lorsqu'il a présenté à Paris, en janvier 2010, son recueil « Nouvelles scènes de vie villageoise », il a réaffirmé « Je n'écris que sur ce que je connais ou sur ce que j'ai rêvé ». C'est donc en rêve qu'il a vu surgir un village centenaire, somnolent, dont les exploitations agricoles se transforment peu à peu en boutiques de produits artisanaux pour visiteurs venus de la ville, chaque Shabbat, en quête d'exotisme. Dans ce rêve, il a parcouru le village de cour en cour, y poursuivant quelqu'un, puis y étant lui-même poursuivi. « Comme dans beaucoup de rêves, a-t-il conclu, je me suis soudain aperçu que ce n'était pas moi qui cherchais, mais moi qui courais pour qu'on ne me rattrape pas. Au réveil, je savais que j'allais écrire un livre qui se passerait dans ce village et qu'il s'appellerait tel Ilan. » Scène de vie villageoise est donc un livre à part entière. Par la cohérence de sa structure, il déborde largement la catégorie nouvelle. De la première à la dernière page, il décrit un monde qui disparaît à travers des personnages qui le maintiennent encore en vie, mais qui sont en train de mourir avec lui, d'ennui, de vieillesse et de solitude. Chaque chapitre place en son centre un occupant d'une de ces maisons familiales entourées de verdure, où demeurent la femme médecin, la professeure de littérature, le vétérinaire, le maire. Ils s'enfoncent tous dans le calme, la contemplation de la beauté de la nature, mais aussi la répétition immuable des jours, la banalité et l'ennui du quotidien, ou pour certains, le deuil impossible à faire d'un fils suicidé. Là où plus rien ne se passe, on fait histoire de tout, d'un bruit, d'un visiteur qui se présente à la porte de la maison où vivent une vieille dame impotente et son fils, Arié Zelnik, de l'éventualité d'une visite, celle d'un qu'un soldat malade fera peut-être à sa tante médecin, Gilly Steiner, en arrivant par le bus du soir. Chaque chapitre reste en suspens, sans explication logique sur le mystère qui a surgi dans le quotidien de ces gens ordinaires. Quelle est l'identité de celui qui frappe à la porte? Cet inconnu qui n'était pas un inconnu, mais peut-être un double d'Arié Zelnik. Le manteau oublié dans le car appartient-il au neveu de Gilly Steiner, à ce soldat qui a disparu? Disparu? Vous êtes sûr? D'où viennent les coups frappés au sous-sol de la maison des Kedem que personne ne parvient à identifier? Sont-ils réels ou sortent-ils de l'imaginaire de ceux qui les entendent? Que celui qui, durant ces nuits, n'a jamais entendu creuser, me jette la première pierre, a répondu Amos Oz en janvier 2010 à ceux qui lui reprochaient de ne pas proposer d'explication. Cette formule, il l'a tirée de la Bible, des évangiles, du Nouveau et non de l'Ancien Testament. Est-ce que ça signifie, Aliette, qu'on peut faire aussi une lecture métaphorique de ce livre? Les titres, par exemple, nous y invitent. Les titres des 8 récits, alors ils désignent des catégories d'individus formant la communauté humaine, les héritiers, les proches, les étrangers, ou bien ce sont des titres réduits à un simple verbe à l'infinitif, mais profondément signifiant. Creuser, perdre, attendre, chanter. Et puis au final, le titre programmatique du dernier très court récit, Ailleurs dans un autre temps. Ce sont comme des thématiques que l'auteur propose au lecteur comme grille de lecture, avec à toutes les pages des résonances venues du passé, des références bibliques, mais aussi avec la menace du désespoir et celle de l'espoir que suscite l'ailleurs. En son centre, le livre explore ce qui creuse la détresse. Dans le récit creusé, la professeure de littérature, a introduit dans la maison de son père un arabe qui écrit un livre sur les points de convergence entre un village juif et un village arabe. Mais à quoi riment ces palabres ? Bougonne le vieux fossoyeur, alors que dans l'ultime page du livre surgit celui qui pourrait apparaître comme un sauveur. Parler ne sert à rien. Il va faire encore très chaud aujourd'hui. Il faut aller travailler. Que ceux qui le peuvent peinent en silence, ceux qui n'en sont plus capables n'ont plus qu'à mourir. C'est fini. Merci Aliette Armel pour cette chronique. Et je rappelle que Scène de la vie villageoise, ce recueil de nouvelles d'Amos Oz, est disponible aux éditions Folio dans la traduction justement de Sylvie Cohen. La Compagnie des auteurs, deuxième partie de notre dernière émission d'une série consacrée depuis lundi à l'écrivain israélien Amos Oz. Nous sommes à présent avec Olivier Barbaran, spécialiste d'Aragon, inspecteur général de l'éducation nationale, poète. Il vient de faire paraître le recueil Un grand instant aux éditions Champvallon et nous allons parler avec lui du livre Seule la mer d'Amos Oz, dont voici un premier extrait lu par Laurence Millet. Mais quelle est donc l'intention du narrateur ? Éprouve-t-il du ressentiment ? Son sang bout-il ? Son cœur frémit-il et sa chair se hérisse-t-elle sur le seuil ? Tiens, il a dressé une liste de mots. Le mot forêt évoque une peur diffuse. Le mot colline, un monde de volupté. Si l'on dit cabane, prairie, voyageur, pluie, compassion, on songe aussitôt à un avare qui a senti un bruit d'or. Ou si, par exemple, le journal parle un soir de « Nouveaux horizons, je m'en vais sur le champ, me baigner deux fois dans le même fleuve ». Bonjour Olivier Barbaran. Bonjour. Seule la mer, c'est donc l'histoire d'Albert, un sexagénaire dont la femme vient de mourir d'un cancer et dont le fils Rico est parti au Tibet, laissant derrière lui sa petite amie Dita. Dita qui est venue habiter justement avec Albert et tous les deux vont partager leur intimité. Mais il y a aussi d'autres personnages, d'autres histoires, Olivier Barbaran, que l'auteur tisse les unes avec les autres. C'est important, l'histoire de ce livre, l'histoire qui est racontée dans ce livre. Est-ce que c'est important pour qui ? Pour moi, je suis plutôt un lecteur de poésie, et ce qui me fascine complètement dans ce livre, dont je ne connais que le spectre français, hein, la traduction en français, c'est évidemment cette capacité qu'il a à rester un romancier tout en travaillant sur une autre dimension. Si l'on compare avec d'autres récits en vers, qui sans doute ont expliqué d'abord mon intérêt pour ce texte, le spécialiste d'Aragon qui connaît le roman inachevé, c'est qu'il y a des romans en poèmes, le lecteur de Pouchkine aussi. Chez lui, la variété des voix fait que quand on passe d'un texte à l'autre, on rentre directement dans une conscience ou dans une voix. Diversité de voix qui sont comme unies par une sorte de tessiture tout de même, mais chaque personnage a sa voix et a sa parole, alors que Pouchkine ou Aragon sont des lyriques, c'est eux-mêmes dans un récit qui tient du début à la fin les choses. Alors, est-ce que l'histoire est importante ? Oui, elle est essentielle, parce que ce qui se joue entre les êtres se joue sur un plan, et puis la puissance poétique de ce texte fait qu'il y a un autre plan derrière, qui est celui du paysage, de la mer, des choses, du temps qui passe, et c'est cette pesée entre ce qui se joue dans la déréliction ou la souffrance ou l'émotion humaine, et puis cette intensité derrière du paysage qui fait la puissance lyrique. Mais il faut évidemment qu'il y ait tous ces rapports compliqués, ambigus. Le père est attiré par cette jeune femme, et en même temps c'est épouvantable d'être attiré par la jeune femme qui est la fiancée de son fils. Tout cela dit, évidemment... Elle est aussi attirée par lui. Elle est aussi attirée par lui, elle joue en tout cas aussi un peu avec ce désir. Donc du désir circule, du chagrin circule, et par-delà tout ce chagrin, il y a quelque chose comme une puissance au-delà de cela. Et c'est la tension des deux qui me paraît absolument déchirante dans ce livre. Alors on va rentrer un peu plus en détail dans diverses choses que vous venez de dire. Le premier extrait qu'on a entendu faisait référence au narrateur. Pourquoi le narrateur intervient-il comme cela, selon vous, et qu'est-ce que cela produit à l'intérieur de ce récit-là ? Alors, il me semble que, là encore, si on en revient au genre, comme c'est un genre hybride ou critique, d'une certaine façon, qui fait jouer deux dimensions, cette dimension poétique et cette dimension narrative, j'ai le sentiment que, et c'est plus qu'un sentiment, que ce type d'écrit est toujours un écrit qui réfléchit aussi sur sa propre écriture. Et c'est le but d'Amos Oz, vous croyez ? Je ne sais pas si c'est son but. Ce que je sais, c'est que Pouchkine s'interrompt et interrompt son récit et questionne son récit dans Eugène Onéguine, et qu'Aragon passe son temps à raconter dans le roman inachevé comment il détricote ou retricote son récit. Donc j'ai l'impression que ça donne une place aussi dans cette plasticité, puisque d'un texte à l'autre, à la différence peut-être du lien romanesque, on peut sauter d'un endroit à l'autre, d'une conscience à l'autre, mais on peut aussi être à plusieurs niveaux. Et on peut être au niveau de l'histoire qui se raconte, puis aussi au niveau de l'écriture. Et la première, c'est la deuxième apparition du narrateur qu'on a entendu ici. La première est dans « Et que se cache-t-il derrière l'histoire ?» Donc, il s'interrompt et il se pose la question aussi de ce qu'il est en train de construire. Bon, ce qui donne aussi, en tout cas pour le lecteur que je suis, une émotion toute particulière, parce que ce livre, tout à la fois, parvient à tisser cet agencement très subtil de relations humaines, en même temps qu'il nous montre la trame d'une certaine façon et qu'il s'interroge. Et ce qui m'a frappé, parce que nous en avions un peu discuté, c'est que je me souvenais de cette présence furtive du narrateur, qui ne se limite d'ailleurs pas à ces interventions du narrateur, puisque chacun des personnages est aussi, je pense, porteur. On n'arrive pas à une telle humanité si Amos Oz n'était pas capable d'avoir transféré à Enrico, peut-être d'ailleurs, le rapport à la mère morte ou ce genre de choses. Mais ce qui me frappe, c'est que ce narrateur devient, au fil du livre, un personnage. Enfin, il est d'abord une voix, il occupe sa fonction de régie. Il est celui qui s'interroge sur l'écriture ou qui ouvre le dictionnaire pour trouver des locutions. Et puis à la fin, il apparaît et on le voit même au milieu des protagonistes où ils sont en train de manger ensemble, en train de discuter avec une sorte de scène collective où il devient un personnage de ce propre texte. C'est-à-dire qu'il est une voix, une régie, il est l'auteur, mais le narrateur fictif est aussi, lui, pris dans la trame des uns et des autres. Il rencontre d'ailleurs lui aussi à l'hôtel où elle travaille. Il rencontre la fiancée du fils. Il discute aussi avec elle, ce qui introduit en plus, là encore, des jeux de symétrie ou presque de proximité entre, par exemple, le narrateur et Albert, ou par exemple le narrateur et un autre personnage avec lequel il se compare. Mais le narrateur est-il Amos Oz, parce que on a dit de Seule la mer que c'était un livre très autobiographique, pas tout à fait autofictionnel, puisque il n'y a pas le nom de Amos Oz à l'intérieur du texte, mais tout de même très autobiographique. Est-il davantage dans la figure du narrateur ? Sans doute oui, mais il est peut-être aussi dans beaucoup d'autres de ses personnages, y compris le personnage du fils qui part au Tibet. Évidemment, et le discours que le fils adresse à la mère et la séparation avec les parents, c'est clair sans doute de ce que nous savons par ailleurs par les autres texte d'Amos Oz. Vous dites qu'il n'est jamais cité, enfin, il s'appelle narrateur fictif tout au début, et puis à la page 185, il y a Bettine, qui est une amie ou une maîtresse possible du père d'Albert, qui l'appelle Amos. Ah oui. Le prénom apparaît. Donc on est dans l'autofiction alors ? On peut aller jusque-là ? Je ne sais pas, parce que c'est une dimension, une catégorie que j'ai toujours eu beaucoup de mal à avoir. En tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que il est une voix, il est un auteur, et il s'incarne tout en se désincarnant. Enfin, il rentre lui-même dans son texte au moment où il le détisse. Et ça, je trouve ça très très beau. Et d'une certaine façon, s'interrogeant lui-même, il vit les mêmes choses que ses personnages. Enfin, cette fonction de régie n'est pas une fonction de pouvoir. Et c'est ça qu'il arrive à nous dire, c'est que ce n'est pas parce que lui cherche dans les mots, s'interroge sur ce qu'il est en train d'essayer de fabriquer, qu'il aurait le moindre surplomb au regard des autres. Il est mêlé à eux et dans les mêmes désarrois. Et on le voit dans le même désarroi, dans les mêmes hésitations que ses propres personnages. Et il y a une progression comme ça qui, à mon avis, fait encore monter en intensité l'émotion qu'on peut avoir dans le regard qu'il porte sur les êtres. Donc vous pensez à Aragon, vous pensez à Pouchkine et à Eugène Onéguine, qui est aussi un grand poème narratif. C'est un poème en vers. On a un poème en vers libre. Que diriez-vous de l'écriture elle-même ? Alors vous l'avez lu en français, mais je crois que vous l'avez lu en anglais. Vous avez été bien modeste tout à l'heure de dire que vous ne le connaissiez qu'en français. Qu'est-ce que vous diriez de la langue dans ce texte-là ? Non, non, je n'étais pas modeste, hein, ce n'était pas fausse modestie. Mon rapport balbutiant à l'anglais fait que je l'ai déchiffré en anglais, et du coup, j'entendais beaucoup de sonorités, et j'entendais les sonorités de l'anglais, que j'entends moins en français, parce que je pense qu'on va directement au sens, enfin, dans les phrases nominales qui sont splendides, par lesquelles il pose... ou par lesquels la traductrice pose les objets, des olives, une chèvre, point. Il y a quelque chose qui pour moi, me donne l'objet d'abord, plutôt que j'entends la sonorité, tandis que quand c'est en anglais, évidemment, j'entends la sonorité et ensuite je vois l'objet en question. Donc il y a un effet de transparence un peu plus grand. Ce qu'il y a d'assez sidérant, c'est, là encore, cette diversité qui est pourtant terriblement harmonique, terriblement harmonieuse, puisque on a des poèmes très courts, hein, de 3-4 vers, on peut avoir des moments de prose, on peut avoir chaque des moments de... Chaque chapitre est très court. Oui, chaque chapitre est très court, ce qui pourrait donner l'impression, si on en parle mal, d'un morcellement, mais il y a comme une unité plus profonde, plus souterraine, qui vient dans ces variations rythmiques et qui permettent peut-être, par l'allègement parfois, de donner une puissance à l'image qui est absolument extraordinaire. J'avais envie de mentionner simplement, parce que tout à l'heure, Madame Cohen disait que il n'était pas bon pour l'érotisme, pour la pornographie, c'est sans doute vrai. Moi, j'ai un souvenir dans mon Michael, même d'une certaine atrocité du rapport du corps de la femme à l'érotisme. Mais pour dire le désir, en revanche, il est extraordinaire. Je voudrais juste vous citer seul, en tout cas pour dire le désir dans la traduction. Une flèche engagée dans un arc bandé, il se rappelle l'épure de sa cuisse. Il devine le mouvement de ses hanches vers lui. Il se domine. S'extirpe de son sac de couchage, il aspire, à plein poumon l'air enneigé, une brume blafarde, laiteuse, se retrousse, telle une mince chemise de nuit à flanc de montagne. C'est Enrico au Tibet. Je trouve que la fulgurance de l'image là, est extraordinaire dans ce poème très très court. Et je trouve qu'il y a, même quand on le pressent depuis l'étrangeté qu'est le français, il me semble que dans les rejets, on entend quelque chose de la rythmique poétique grâce à l'art du rejet qui est ici d'une intensité, je crois, érotique très grande. Car le goût fort de ces olives, qui ont longuement mariné dans l'huile, avec de l'ail, du sel, du citron, du piment et du laurier, exhale parfois des effluves du passé, des pierres fendillées, un troupeau, l'ombre et le son d'un pipeau, un souffle mélodieux venu du fond des âges. La fraîcheur d'une grotte, une hutte cachée au fond d'une vigne, un abri dans un champ, une tranche de pain d'orge et de l'eau du puits. C'est de là que tu viens, tu t'es égaré. Ici, c'est l'exil. Quand ta mort viendra, une main omnisciente se posera sur ton épaule. Viens, il est temps de rentrer à la maison. Une lecture par Laurence Millet du tout petit chapitre intitulé « Les olives » et que vous évoquiez à l'instant, Olivier Barbaran, qu'en retenez-vous ? D'abord que les olives jouent un très très grand rôle dans le livre. Mais la nourriture, de manière générale, est très présente chez Amos Oz. Vous voyez pourquoi ? Est-ce que ça représente, je ne sais pas, la maison par exemple ? Est-ce que ça représente le noyau familial, Israël ? J'ai l'impression d'avoir un rapport peut-être plus naïf et ne pas aller chercher un symbole qu'il y a peut-être. Ce que j'y vois, moi, c'est simplement que dans la tristesse assez fondamentale tout de même des relations, des déchirures, les objets, les saveurs... comme le chant d'oiseau, comme la lumière du matin, comme l'orangerie dans laquelle s'achève le texte, sont les points de présence sur lesquels la vie s'appuie. Et les olives, pour moi, avant d'être des symboles, ce sont des olives, et la recette fait envie, et il y a, malgré la tristesse, Albert est un bon cuisinier, on le voit souvent faire de la salade, des olives, le fromage circule, il y a sans doute quelque chose qui se dit dans les relations humaines, évidemment, dans le fait de se nourrir, mais ce sont d'abord cette manière de poser des objets, comme il pose un paysage, et à partir duquel quelque chose du réel advient dans le texte. Il y a du matérialisme chez ce laïc qu'était Amos Oz, dans sa littérature. Il y a de la matière. Là encore, vous voyez, je ne veux pas aller vers le symbole ou l'idée. Il y a de la matière. Et ce qui me touche, c'est la justesse avec laquelle les choses apparaissent. Et en même temps, si on prend ce poème, on part des olives et on est en quelques lignes confronté à la question de la condition humaine avec cette formule extraordinaire. Ici, c'est l'exil. Il n'y a pas plus beau, je me semble, comme aphorisme. Et puis, on finit avec la question de la mort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le livre passe son temps à des effets que j'aurais envie d'appeler de travelling. Enfin, on part d'un point très, très court, et puis il y a un élargissement considérable. Ou au contraire, on part de l'élargissement et on finit sur une chemise de nuit. Enfin, des montagnes du Tibet vers la chemise de nuit, ou des olives vers la condition humaine et vers la mort. C'est toujours, dans chaque texte, et peut-être aussi entre les textes, ces effets comme ça, qui ne saisissent jamais. Et c'est ça qui donne sans doute leur chance et aux personnages, et à la condition humaine, à la fois ils sont réduits dans les affres de la quotidienneté, et en même temps ils ne sont jamais, comme très souvent dans une littérature contemporaine, réduits à cette platitude. C'est-à-dire que le concret peut être très petit, le détail n'en est pas un, et chaque fois, quelque chose de la vie se dit jusque dans les objets les plus ténus. Et dans ces effets de focus et d'élargissement, il y a aussi la correspondance entre Israël et le reste du monde. Et c'est un roman qui englobe, et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose d'assez moderne, l'éclatement de tous à travers le vaste monde, avec donc le fils qui est parti très loin et qui en même temps est toujours très présent. Oui, c'est un autre élément pour moi qui fait mon admiration. Peut-être cherchons-nous, tous ceux qui écrivent aujourd'hui, quelque chose qui soit à la taille de ce monde. On a parlé, par exemple, je prends un exemple très éloigné d'Amos Oz, de Bolaño comme étant quelqu'un qui était capable de faire un roman monde par sa puissance, son énormité, parce qu'il circule, etc., etc. La circulation géographique dans un livre aussi mince, que c'est 155 poèmes, est complète, considérable. Il y a les effets de correspondance horaire, le père, mais ce sont des choses, là encore, de la vie quotidienne d'aujourd'hui. Le père, quand il est chez lui, confronte son horaire à l'horaire du fils pour essayer de penser à lui. Les gens circulent, l'ailleurs est toujours présent. La circulation du fils et son errance suite à la mort de sa mère se traduit par une errance géographique, elle aussi, du Tibet au Sri Lanka. Mais le livre est ouvert à cela. Ce n'est pas du tout par un effet de massivité. Il est ouvert à la fois à une profondeur géographique et à une profondeur temporelle. Ce qui, là encore, fait jouer à notre présent la même chose que ce qui est joué par les personnages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont absolument circonscrits et ne sont jamais limités à leur circonscription. Et je pense que c'est un regard dont on a absolument besoin, parce que ça fait un roman monde, en ce que les êtres circulent, en ce que le monde est d'une certaine façon ouvert, et en même temps il y a un ici qui est en même temps l'exil et qui est sans doute compliqué par le fait que Israël n'est pas la France, n'a pas le même passé. Mais le livre est ouvert à cela. Quand Amos Oz, enfin quand le livre raconte, fait allusion à un personnage, on peut, dans le texte suivant, rouvrir à cette profondeur-là. Il y a par exemple la mention d'un marchand en 1706 dans les steppes de Russie, parce qu'il y a aussi cette profondeur généalogique qui joue dans le texte. Deux textes plus loin, il y a le récit rapide de vie du marchand qui est venu et qui finalement est mort, etc., etc. Donc, il y a une disponibilité de la forme poétique qui peut rouvrir à n'importe quelle voie, mais qui peut rouvrir à n'importe quel lieu. Et c'est cette disponibilité-là qui me paraît faire un roman monde d'une toute autre manière que les romans masse qui essayent de faire monde en essayant de rivaliser avec une mondialisation un peu saturée. C'est un monde dans lequel j'ai plus envie d'habiter, celui d'Amos Oz. Donc c'est plus que l'histoire du monde, une histoire qui raconte l'humanité. Et même s'il y a quelque chose d'assez triste, d'un peu mélancolique quand même, est-ce qu'il y a pour vous l'espoir d'Amos Oz dans cette humanité, selon vous, dans ce livre-là, qu'on ressent? D'abord, j'ai l'impression que ce qu'il nous dit, et c'est pour moi une vraie leçon lyrique, cela. Même si, vous voyez, je le vois dans le français qui est le mien, c'est que c'est une phrase de Jacotet qui m'est revenue. Ne rien expliquer, mais prononcer juste. J'ai l'impression que c'est ça qu'il parvient à faire. Et pour moi, l'idée de rédemption ne vient pas d'un horizon fabuleux. D'ailleurs, quand on lui parle d'horizon, qu'il s'agisse de géographie ou d'histoire, il retourne, il le dit tout à l'heure dans un de ses textes. Dire avec netteté et précision ce qu'il en est de nos désarrois, de notre rapport égaré et émerveillé à des réalités fugaces, une lumière, c'est sans doute, oui, construire une véritable, pas une espérance, une véritable condition humaine. Il y a un mot que je voulais citer, qui est pour moi une leçon de vie qui est absolument splendide, et qui dit tout, parce que ça résume absolument le livre, c'est « Ce serait dommage de rater les détails, et bientôt l'oiseau ». Merci Olivier Barbaran. Je rappelle le titre du recueil de poèmes que vous venez par ailleurs de faire paraître aux éditions Champ Vallon. Il s'appelle « Un grand instant ». C'était la Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazulier et Jean-Guilain Meige. Demain, vous retrouverez la Compagnie des poètes avec Manou Farine. Et nous, lundi, on se retrouve pour une semaine consacrée au prix Nobel français de littérature Claude Simon, qui est peut-être lui aussi un narrateur tout autant qu'un poète. Mais la poésie, c'est aussi tout de suite sur France Culture, grâce aux lectures de Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. La région volcanique, tel est le titre. Nous sommes dans des journées d'ascension, il vaudrait mieux avoir son équipement, cette quatrième montée, avec Flora Bonfanti, in lieu exemplaire. Donc vous me ferez le plaisir de réécouter tous les podcasts depuis le début de la semaine, et si une pièce venait à manquer pour en vous-même vibrer, quoi, résonner, retentir, teinter, alors rappelez-vous, dans les temps éloignés, les hommes avaient 6 doigts. Le 6e était toujours en feu. Il suffisait de toucher du doigt les choses. Voilà. Le fenouil et le feu. Un vol inaugure notre espèce. Le vol du feu. Pour son transport, une tige de fenouil. Une semence de feu cachée au creux d'un fenouil. Le feu se sépare du feu et devient torche. L'esprit se sépare de l'esprit et devient l'être, véhicule d'esprit. Tout vol requiert véhicule. Qui vole, transporte. Le feu consume le feu. Ses formes sont volatiles. Plus loin, le feu n'est pas comme la lave. La lave forme de ses incandescences les pierres à venir. Dans les régions volcaniques, le solide a la forme du fluide. Feu d'aujourd'hui, pierre de demain. Aux températures amènes, dans les régions humaines, la pierre et le feu ne sont pas conformes, mais solidaires. Le solide y transporte le fluide. La solidarité du solide et du fluide, du fenouil et du feu, du mot et du sens, ne se fait pas sans une marge, sans l'intervalle d'où jaillissent les interprétations. Existe-t-il une région volcanique de l'esprit, où la lettre ne désigne ni ne transporte, où les formes ne sont pas des carcasses qui protègent le sens, mais la moelle même du sens durcit, une moelle qui se réchauffe et se refroidit sans s'altérer, qu'on reçoit et transmet sans défigurer, sens qu'on meut sans véhicule, sans traduction, qui coule seul, ruisselle de conscience en conscience. Quelque chose me dit que la région volcanique ressemble à la musique. Le sens musical coule sans carcasse. Il ne peut être extrait de lui-même. Comment paraphraser une mélodie? La musique est un discours sans parole. Le discours, le parcours, le cours du sens sans parole. Nous ne pouvons pas dire ce qu'il nous dit, mais recevons ce qu'il nous dit. La parole poétique doit porter une promesse de sens. Si elle n'en porte pas, les pierres restent froides et le lecteur s'en va. Et renvoie, comme on disait autrefois dans les poèmes, les rondeaux, à la dernière page, ils forcèrent le vieux bois de 3 coups, la porte céda, ils forcèrent le vieux bois et pénétrèrent la maison. Je suivais le trajet de leur rire, leur tison éteint s'agitait, testait l'espace dans le noir, ils trouvèrent mes braises, ils frottèrent les tisons sur mes braises pour les allumer et ils partirent. Mais avant de partir, ils prirent le temps de distribuer mes braises pour multiplier le feu. Et la maison au feu, ils partirent, faisant des moulinets de joie, des cercles de lumière dans le noir, en gueulant des chansons étrangères. Merci Jacques Bonnafé pour ces textes de Flora Bonfanti, dont l'ouvrage Poétique des lieux est publié aux éditions Une.